Vous suivez la radio Isanganiro. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. C'est dans ce journal en français dont voici les titres. Le numéro 1 Burundi, Valis Ndayishimiye, se félicite des changements observés dans le fonctionnement de la justice. C'est après 4 ans au pouvoir. Le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi annonce que l'assistance alimentaire des réfugiés augmente à partir du mois prochain jusqu'au mois de mars de l'année prochaine à hauteur de 70%. C'était ce jeudi lors de la célébration à mairie de Bujumbura de la Journée mondiale des réfugiés. Bientôt une semaine dans l'obscurité dans les communes de Genyuzigi, Gazi et Wiga, au chef-lieu de la province Karusi. Cette situation est due à une panne dans un transformateur. Voilà pour les titres. François Akimala sur la mise en onde de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Comme je viens de vous le dire en titre, l'assistance alimentaire des réfugiés augmente à partir du mois prochain jusqu'au mois de mars de l'année prochaine à hauteur de 70%. Annonce ce jeudi de la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi lors de la célébration à mairie de Bujumbura de la Journée mondiale des réfugiés. C'est lui qui a représenté les réfugiés tant urbains que ceux vivant dans les camps des réfugiés, a notamment soulevé les problèmes liés à l'assistance médicale et la réduction de la ration alimentaire. Mireille Kanyang. Selon les statistiques fournies lors de cette célébration, ayant comme thème la solidarité avec les réfugiés, le Burundi accueille près de 90 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans 5 camps et dans un site de réfugiés. Ces réfugiés font face à de multiples défis, dont des problèmes de santé comme soulevé par leurs représentants. Les années auparavant, les HCR, à travers les multiples partenaires de santé, répondaient beaucoup mieux à notre souffrance comparativement à nos jours. La couverture médicale était presque à 100%. Alors qu'aujourd'hui, nos membres ne savent plus à quel sein déclarer leur souffrance. Aujourd'hui, nous demandons l'assistance médicale à nos malades qui souffrent la maladie telle que l'hypertension et la diabète. La deuxième demande concerne l'éducation. L'éducation de nos enfants constitue un autre casse-tête. Troisième demande, c'est le cas de plus célèbre qui concerne la majorité des réfugiés. C'est le cas d'autonomisation qui permet aux réfugiés de prendre eux-mêmes en charge. Aux réfugiés vivant au camp, la vie est devenue intenable, faute de la modestie de la ration qui leur sont donnée. Celle-ci a connu une baisse sensible de telle enseigne que la quantité donnée ne permet pas de nouer les deux bouts du mois. À cette difficulté de ration alimentaire, Brigitte Mukanga-Eno, représentante du HCR au Burundi, annonce la hausse de cette assistance alimentaire à partir du mois prochain jusqu'à 70%. Maintenant, le PAM au Burundi est en train de fournir des efforts auprès des bailleurs. Nous faisons des plaidoyers ensemble pour que l'assistance alimentaire soit révisée. Et récemment, nous avons eu des bonnes nouvelles du côté des Américains, qui constituent quand même l'un des grands bailleurs pour le HCR et le PAM. Ils ont promis d'augmenter les fonds vis-à-vis du PAM pour permettre qu'on remonte ne serait-ce qu'à 70% pour l'assistance à partir du mois prochain jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au même au mois de mars de l'année prochaine. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire pour essayer de réduire les conséquences négatives qui commençaient à se manifester au niveau des camps des réfugiés. De son côté, Théophile Ndaloufatiye, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, a promis à ses réfugiés de s'asseoir avec tous les intervenants afin de chaque fois trouver solution aux problèmes soulevés. Il s'est aussi exprimé sur la circulation des réfugiés puisque ceux-ci l'ont soulevé comme barrière à leur libre mouvement. En vous obligeant des autorisations de sortie, c'est notamment en vous accordant des cartes d'identité, c'est juste pour que vous puissiez être sécurisé de tout moyen. Le pays est là pour vous aider. Veuillez chaque fois soulever les désiderata que vous avez auprès de ces instances qui représentent le pays dans différents camps. Et ces désiderata nous seront communiqués. Et par conséquent, nous allons nous mettre ensemble avec toutes les parties prenantes pour y remédier chaque fois que possible. Aujourd'hui, plus de 43 millions de réfugiés dans le monde ont été forcés de quitter leur foyer, leur pays. Merci à Mary Kanyang. Après 4 ans au pouvoir, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, trouve qu'il y a eu changement dans le fonctionnement de la justice. Le numéro 1 du pays apprécie le fait que les fauteurs sont traduits devant la justice sans distinction aucune et que le siège est actuellement constitué dans ce juge, ce qui a diminué la corruption et le favoritisme. En ce qui est de la justice traditionnelle, le chef de l'État, Ndayishimiye Evariste, tranquillise les Burundais qui ont perdu les leurs pendant les crises qu'a connues le pays, que tôt ou tard la vérité sera connue et que les mesures irrelatives seront prises. Suivez le président de la République dans cette tradition d'Evariste Nziko Banyang. Mu bijyanye n'ubutungane ubu mu gihugu ntawugikora icyaha ngo kijyane. En ce qui est de la justice, aujourd'hui, dans le pays, personne n'échappe à la vigilance des officiers de la police judiciaire et des magistrats. Ces derniers font des enquêtes et tous les fauteurs sont arrêtés et punis conformément à la loi sans distinction aucune. En cas de différend, même si beaucoup reste à faire, il y a un léger mieux depuis qu'on a initié l'institution collinaire des ombudsman et la consolidation du Conseil supérieur de la magistrature pour que celui qui a connu de l'injustice au niveau des juridictions puisse se trouver ou faire recours. Tout ce changement résulte de la mise en place d'une loi instituant un seul magistrat du siège lors de l'audience. L'on constate qu'il y a eu un léger mieux au sein de la justice burundaise après la prise de toutes ces décisions, même si l'on fait face à des procès qui ont été mal traités dans le passé. Nous avons de l'espoir que ces procès vont encore reprendre dans l'intérêt de tous les justiciables en ce qui est justice traditionnelle. Nous comprenons la douleur que ressentent les Burundais sur le fait que la CVR n'a pas encore fini son travail. Il y a ceux qui veulent profiter de cette situation pour torpiller ce travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous leur demandons de patienter tout en restant tranquilles comme ils l'ont fait lors des massacres qui ont coûté la vie à leurs sœurs et frères. Sinon, l'on risquerait de tout perdre. Je leur garantis que la vérité déjà connue n'ira nulle part et que des mesures sont reprises pour l'intérêt général de tous les Burundais. Et le parti Fraternité des Patriotes, INEZ, a estimé qu'il est encore difficile d'évaluer les réalisations du pouvoir actuel à 4 ans du mandat du président en exercice. Le président de ce parti explique que le chef de l'État n'a jamais exposé de façon claire le programme à réaliser. Francis Rouero indique que la vie chère de ces derniers jours en est la principale conséquence. Selon lui, l'aspiration vers le pouvoir devrait être caractérisée par le souci de répondre aux défis de la vie nationale. Et on l'écoute. Je devrais d'abord rappeler qu'il y a 4 ans, dès juste sa nomination à la candidature de son parti, le candidat de cette époque, il avait annoncé qu'il n'avait pas un programme à lui. Et après, au début de la campagne électorale, il avait même signifié que le peuple burundais ne votait pas pour des programmes, qu'il votait pour celui qui a eu une certaine utilité dans sa vie. Il faisait référence peut-être au fait que le parti au pouvoir avait combattu. Alors aujourd'hui, 4 ans après, l'évaluation me va dans le même sens. Sans programme et sans une effectivité à ce qu'il cherchait en soi, notre pays est parti dans une logique d'affaires courantes et non pas à s'organiser vers des grands objectifs pour reconstruire cette nation, pour le mettre à un niveau de développement qu'il espérait. Ainsi, par exemple, si je fais une allusion, en 2020, le Burundi avait un budget qui oscillait autour de 1 800 milliards. Nous sommes montés jusqu'à 4 000 milliards dans les 4 ans, avec une évaluation qui est poussée à 71% dans le sens d'un budget de fonctionnement, avec un budget d'investissement qui va à moins de 30%. Tout cela signifie ce qu'on est en train de voir, la rareté même des biens et la cherté des biens et des services dans le milieu économique et socio-professionnel. Alors, c'est ça le bilan. Je n'ai pas cherché midi à 14h. Le Burundi est en difficulté parce qu'on est habitué à marcher à vue, sans un programme, sans des objectifs d'envergure dans le sens économique et social. J'ai toujours dit que je me mets dans une logique où l'homme politique burundais doit apprendre. On ne peut pas continuer à se dire que les Burundais doivent voter grâce à un passé qu'ils ignorent ou dans un sens où ils se disent « tel m'a fait cela ». Nous sommes en train d'aller vers l'avenir. Nos enfants doivent savoir ce qu'ils vont faire en 2030. Alors, il faut que ça se fabrique. Et qui doit le faire? C'est des partis politiques. Ils doivent chercher des techniciens qui font ces choses. Les Burundais aujourd'hui qui sont au pouvoir, ceux qui n'y sont pas, ceux qui cherchent à y être, nous devons continuer à apprendre, à nous former pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Les leaders du pays sont appelés à prier dans la vérité. Un appel de l'archevêque du diocèse de Gitega, c'était ce jeudi au cours d'une messe d'ouverture des croisades de prière organisée par la famille présidentielle en province de Mwaro. Monseigneur Bonaventure Nahimana a exhorté les dirigeants à le faire avec tout le cœur devant Dieu. Suivez-le, traduit en français par Alain Désiré Boukened. Dieu nous a demandé de prier sans toutefois faire recours à beaucoup de mots, ou encore le faire comme ceux qui prient en public pour leur gloire. Souvenez-vous que Dieu s'est adressé aux Israélites dans ces mots. Quand son peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est dans Isaïe 29, verset 13. Ceux qui prient en réalité, ils le font en Saint-Esprit et en toute vérité. Ce sont ceux-là qui reçoivent la grâce de Dieu, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Souvenez-vous que la Sainte Vierge Marie, dans sa prière, elle a dit « Mon cœur rend grâce à Dieu, mon âme bénit l'Éternel, mon Sauveur. » Luc 1, 46-47. Elle rend donc grâce à Dieu de tout son cœur. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Vous suivez la radio Isanganiro, journal continu en langue française et nouvelle des provinces. 13 kiosques s'élevant de stock des objets électroménagers, habits et chaussures au marché de Magara en commune de Bugarama de la province de Mongue sont partis en fumée la soirée de ce mercredi. Certaines victimes de cet incendie disent ne pas comprendre son origine et dans cette localité sans courant électrique depuis plusieurs mois. Ils demandaient des enquêtes et des indemnisations. Le point avec Jean-Pierre Misago. Ces kiosques réduits en cendres, dont 12 servant de stock et un encore en construction, se situent au sud-ouest du marché de Magara. Des postes téléviseurs, des postes radio, des baffles, des ventilateurs, des téléphones portables en phase de réparation, des habits, des chaussures, des pièces d'une moto y conservées par son propriétaire sont les objets partis en fumée suite à un incendie y déclaré vers 20h30 de ce mercredi, selon certaines des victimes. Mais l'origine de cet incendie leur semble floue. Dans cette place sans courant électrique, il y a de cela environ 8 mois, et une place utilisée par la plupart d'entre eux comme un lieu de stockage, après avoir manqué assez d'espace ou déménagé, après la montée des eaux du lac Tanganyika, selon leur dire. Ceux qui se sont exprimés demandent des enquêtes approfondies sur l'origine de cet incendie et être indemnisés. Jean-Marie Nduimana, administrateur communal de Bugarama, dit que des enquêtes sont en cours pour connaître l'origine de cet incendie et les biens partis en fumée. Il informe tout de même que les victimes de cet incident avaient été sommées de vider les lieux après la montée des eaux du lac Tanganyika. L'administration et la population de la place ont réussi à éteindre ce feu qui menaçait d'autres bâtiments après environ 30 minutes, selon les informations recueillies sur place à Magara. Jean-Pierre Misago depuis Magara, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Les communes Wugenyuzi, Gyogaze Wuhiga ainsi que le chef-lieu de la province Karusi sont dans le noir depuis bientôt une semaine. Responsable de la régie des eaux explique que c'est dû à une panne d'un transformateur installé sur le barrage hydroélectrique d'Ondurumu, ce qui a également causé le manque d'eau dans certaines localités de Karusi. La direction générale de la régie des eaux en tranquillise qu'une équipe de techniciens est à l'œuvre pour rétablir le courant électrique le plus tôt possible. Correspondance est signée Blaise Pascal Kararumi. C'est depuis ce dimanche passé qu'il n'y a pas de courant électrique au chef-lieu de la province Karusi, dans les communes de Bugenyuzi, Kihogazi et Buhiga. Cela étant confirmé par les responsables de la régie des eaux. Suite à ce manque de courant électrique, certaines localités manquent conséquemment de l'eau et il s'observe depuis ce jour beaucoup de gens en errance à la recherche de l'eau et d'autres se dirigeant vers les marais pour cette même fin. L'hôpital du cinquantenaire étant actuellement dépassé par son manque d'eau, qu'il a cherché déjà un camion-citerne pour puiser de l'eau. Les responsables de la régie des eaux à Karoussi expliquent que certaines localités ont réellement manqué de l'eau suite à ce manque de courant électrique, signalant que cette eau dans ces localités était distribuée par un moteur qui fonctionne à l'aide du courant électrique. Ils font savoir qu'un transformateur redresseur est tombé en panne dimanche passé, alors que c'est celui-là qui assurait la distribution de l'électricité dans ces communes de Bouhiga, Bouguenouzi, Giho, Gazi et le chef-lieu de la province Karoussi. Cette électricité est du barrage de la rivière Ndurumu, qui est à une dizaine de kilomètres du centre provincial Karoussi. À la direction générale de la régie des eaux, le porte-parole nous a indiqué qu'une équipe technique conjointe de la régie des eaux, de la région nord et du service de maintenance est en train de travailler pour rétablir la situation le plus tôt possible. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. Le non-respect des conditions de la légitime défense constitue éventuellement une infraction qui tombe sous le coup de la loi pénale. Cette règle est applicable tantôt pour les personnes civiles et tantôt pour les forces de l'ordre. Maître Fabien Segatois explique que l'usage de la force pour repousser l'agresseur doit se limiter essentiellement à sauver sa vie ou la vie d'autrui. C'est dans la seconde partie de cette chronique judiciaire présentée par Alain Desilbo-Kenetz. La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d'agression, ce qui sera considéré comme une cause d'irresponsabilité pénale. Les moyens utilisés doivent respecter certaines conditions et notamment les violences utilisées pour repousser l'agresseur doivent être le seul moyen pour se protéger. Nous en avons parlé dans la précédente chronique. La légitime défense a principalement pour but de sauver la vie humaine, explique Maître Fabien Segatois. Les coups peuvent être dirigés contre vous ou peuvent être dirigés contre une autre personne parce que la loi aussi dit qu'il faut porter secours à personne en danger. Il y a des fois où, en fait, on se trouve en train de défendre ses propres biens. Le respect de cette règle s'impose pour les personnes civiles, mais également pour les forces de l'ordre. Un agent de l'ordre, par exemple, qui est agressé et qu'il voit que le seul moyen pour pouvoir s'en sortir est de tirer, eh bien, il tire. Mais il faut effectivement que la légitime défense soit proportionnée. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas armé, eh bien, on ne devrait pas employer une arme. C'est pour cela que la violation des règles de la légitime défense constitue une infraction réprimée par la loi pénale. Celui qui a porté les coups alors qu'il ne devait pas les porter, celui qui a tiré alors qu'il ne devait pas tirer, évidemment, il est responsable de ses actes. Parce que finalement, la légitime défense, c'est employer des moyens illégaux pour repousser d'autres moyens illégaux. Maître Fabien Segatois précise certaines infractions qui peuvent être éventuellement commises en violation des règles de la légitime défense. Par exemple, si vous avez employé une arme pour vous défendre, que vous tuez la personne, alors que normalement ce n'était pas proportionné, à ce moment-là, on va vous accuser d'homicide involontaire tout au moins. Vous pouvez par exemple porter des coups et blessures à quelqu'un alors qu'on n'était pas dans la situation de la légitime défense. On va vous poursuivre pour coups et blessures volontaires ou involontaires. Ça dépendrait évidemment de l'appréciation du juge. L'on ne peut pas justifier l'emploi de la légitime défense lorsque l'agression a cessé et que l'auteur prend fuite. Quelqu'un ne peut pas dire voilà, on m'a agressé le matin et le soir, vous allez essayer de faire tout pour l'attendre sur la route. Et vous lui assénez un coup pour dire que j'ai fini légitime défense. Donc la légitime défense se fait immédiatement. C'est en fait repousser l'agression. Au cas où l'agression est neutralisée, il s'ensuit éventuellement le secours de l'auteur en cas de besoin. L'usage de la force doit être arrêté avec la fin de l'agression. Merci à Alain Désiré Boukeneza, auditeur et auditrice de la radio Isanganiro. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute.